Je suis bien placé. Pour aller tout droit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D.